Choc, choc. Dibala. Enya machoma. Omemo koma nengai, omemo ya kalela, omemo hakolukayo, omemo bwama miwapie. Enya machoma. Omemo koma nengai, omemo ya kalela, omemo hakolukayo, omemo bwama miwapie. Où es-tu? Yo bonheur, kumanga. Eh papa, dimanga. Eh bomengo, memanga, ye. Yo bonheur, la tanga, ye. Chérie, chérie, souci à bonheur, souci à la moitié, n'a pas n'y faut pas y avoir n'a tika la tête, ma papa. Wesh, wesh, allez bien, maman, allez bien, allez bien, chérie, allez bien. Simba, bonheur kumbanga, kumba, bonheur bakisai, bakisai. Yeah, cheza, cheza, cheza, mama, cheza, cheza, cheza, cheza, cheza. Woo, bongo la kuna, bongo la kuna, bongo la. Bonne joie.